طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui au cours numéro 14 dans la lecture du livre. Le livre s'intitule « Mu'amalat al-Hukam fi daw al-kitab wa sunnah ». Si on traduit en français, ça signifie la façon dont on doit se comporter envers les dirigeants musulmans selon le Coran et la sunnah. Et on est au chapitre 6 aujourd'hui. Et le chapitre 6... le titre de ce chapitre c'est quoi? Fi sabri ala jawr al a'imma. Fi sabri ala jawr al a'imma, c'est-à-dire le fait d'être patient face à l'injustice des dirigeants. Donc on a lu l'introduction de ce chapitre au dernier cours et on a lu le dalil, le premier dalil que le cheikh a cité. Donc on a dit que le cheikh il citait une série de dalil, une série de preuves du Coran et de la Sunna, et en grande partie c'est des hadiths yani, qu'il cite, parce que c'est quelque chose qui est mutawatir, yani, c'est quelque chose qui est rapporté par un nombre tellement grand de sahaba, hein, et par un nombre tellement grand de hadiths que personne pourrait penser ou imaginer même que ils auraient pu se mettre d'accord sur ça si c'était un mensonge. Donc quand on dit qu'un hadith est mutawatir, ça veut dire qu'il est rapporté par un nombre immense de narrateurs. On a lu le premier hadith au dernier cours, et le premier hadith c'était rapporté par Muslim et également par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu. Il disait: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فميتة جاهلية. وفي رواية لمسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Donc on avait lu ce hadith-là au dernier cours, qui signifie que celui qui voit quelque chose qui lui déplaît de son dirigeant, qu'il soit patient. Parce que celui qui se sépare de la jama'a, c'est-à-dire la jama'a, c'est-à-dire le dirigeant et ceux qui sont avec lui parmi le peuple, il se sépare de son dirigeant, même si c'est d'une courte, une petite distance, eh bien s'il meurt dans cet état-là, il va mourir dans un état qui est semblable à la jahiliya. Ok? Et dans une autre narration, selon l'imam Muslim, il dit: celui qui déteste quelque chose de son dirigeant, qu'il soit patient, parce que s'il n'y a pas personne qui sort de l'autorité de son dirigeant, excepté que s'il meurt dans cet état-là, eh bien, s'il se sépare il sort d'une petite distance de l'obéissance à son dirigeant, et il sort de son autorité, s'il meurt dans cet état-là, il va mourir dans un état qui est semblable à la jahiliya. On a expliqué aussi que qu'est-ce que ça signifie de mourir dans une mort qui est semblable à celle de la jahiliya, c'est-à-dire, on a dit, halatul maut ka mauti ahli al-jahiliya ala dalalin wa laysa lahu imamun muta' لأنهم كانوا لا يعرفون ذلك وليس المراد أنه يموت كافرا بل يموت عاصيا قاله الحافظ في الفتح. Donc ça ne veut pas dire que s'il meurt dans d'une mort de la jahiliya qu'il est mécréant. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il meurt dans le péché, c'est-à-dire dans un état semblable à la jahiliya, c'est-à-dire dans l'égarement, à l'époque où les gens n'avaient pas un dirigeant qu'ils obéissaient. Hein? Ils ne connaissaient pas l'obéissance à un seul dirigeant. Les Arabes avant l'islam, ils étaient divisés en différentes tribus et elles étaient toutes les unes contre les autres, et puis elles ne connaissaient pas l'obéissance à un seul dirigeant. Donc c'est ce que ça signifie, hein? Si tu te détaches de l'autorité de ton dirigeant, puis tu ne le reconnais pas, puis tu sors contre cette autorité-là, bien c'est comme si tu deviens semblable aux Bédouins ou aux Arabes de la Jahiliya qui ne reconnaissaient pas d'autorité, puis qui se battaient toutes les unes contre les autres. La deuxième preuve que le cheikh il mentionne ici, Ad-Dalil al-Thani, أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. قوله أثرة هي الانفراد بالشيء عمن له فيه حق، وقوله أمور تنكرونها يعني من أمور الدنيا، يعني وقد أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، وهي استئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفة الشرعية إلى المسلك السليم والمعاملة الحسنة التي يبرأ صاحبها من الوقوع في الإثم، وهي إعطاء الأمراء الحق الذي كتب لهم علينا من الانقياد لهم وعدم الخروج عليهم، وسؤال الله الحق الذي لنا في بيت المال، وتسخير قلوبهم لأدائه أو تعويضنا عنه. OK. Donc Cheikh il explique que l'imam al-Bukhari et Muslim, ils ont rapporté un hadith dans leur recueil de dans leur livre ou dans leur recueil de hadiths authentiques. C'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, dans lequel il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y aura après moi athara, après moi il y aura athara, atharatun. Atharatun, on va l'expliquer, ça veut dire le fait que le dirigeant il se donne des privilèges, hein, où il s'accapare de certaines choses dans lesquelles le peuple a un droit. Il s'accapare des richesses ou des choses dans lesquelles le peuple a un droit. Ok? Ça c'est al-athara. Donc il dit satakunu ba'di athara. Après moi, il va y avoir atharatun. Hein, des dirigeants qui se donnent des privilèges dans ce que le peuple a un droit. Et ainsi que des choses que vous allez condamner, vous n'allez pas les accepter de la part des dirigeants. Alors les gens ont dit: ô messager d'Allah, qu'est-ce que tu nous ordonnes dans ce cas-là? Alors le prophète a répondu et il a dit: vous donnez aux dirigeants le droit qui a été le droit qu'ils ont sur vous. Vous donnez aux dirigeants le droit qu'ils ont sur vous, et vous demandez pour vos droits à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous demandez pour vos droits à vous, vous les demandez à Allah. Le droit que les dirigeants ont sur vous, vous leur remettez leurs droits, mais vos droits à vous, s'ils vous en privent, si vous ne les donnent pas, demandez-les à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le cheikh il explique, c'est ça qu'il dit, que al-athara, atharatun, ça veut dire que le dirigeant il se donne des privilèges dans les choses dans lesquelles le peuple a un droit. Et umurun tunkirunaha, c'est-à-dire des choses parmi les choses de la dunya que le dirigeant va faire qui ne vous plaisent pas ou que vous allez condamner. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ensuite, le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a orienté, ou il nous a guidé dans ces situations-là, dans les situations dans lesquelles les dirigeants se donnent des privilèges dans les biens et dans les richesses, et ils laissent paraître des contradictions à la charia, il fait des choses qui sont contraires à la charia. Il nous a orienté dans ces cas-là à adopter une conduite qui est saine et un bon comportement envers le dirigeant qui fait en sorte que la personne qui fait face à ce genre de situation ne va pas tomber dans le péché. Et c'est quoi ce comportement-là ou cette conduite-là? C'est de donner aux dirigeants leur droit qui leur a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala et que les dirigeants ont sur nous, et de se soumettre à eux et de ne pas sortir ou de ne pas se rebeller contre eux, et de demander nos droits qu'ils ont sur nous du trésor des musulmans, de le demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit wa bitaskhir qulubihim li ada'ihi aw ta'widina anhu. C'est ça. Soit en faisant en sorte que Allah subhanahu wa ta'ala change leur cœur en notre faveur pour qu'ils puissent nous donner nos droits. Donc tu fais des doigts à Allah, tu demandes à Allah de faire en sorte qu'ils nous donnent nos droits, que les dirigeants nous donnent nos droits en affectant leur cœur, en faisant en sorte que le cœur de nos dirigeants penche vers le fait de remplir leurs responsabilités vers nous, ou bien en nous remplaçant ce qui nous a été pris par d'autres choses. Et il dit ensuite, وقال النووي رحمه الله على هذا الحديث فيه الحث على السمع والطاعة وإن كان المتولي ظالما عسوفا فيعطى حقه من الطاعة ولا يخرج عليه ولا يخلع بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. انتهى كلامه. Donc l'imam al-Nawawi, il a un charh du sahih de l'imam Muslim, et dans son charh de ce sahih, il explique justement ce hadith, et il dit que dans ce hadith il y a une incitation à écouter et à obéir aux dirigeants, et que si celui qui a été mis au pouvoir, celui qui est au pouvoir est quelqu'un d'injuste, eh bien on doit lui donner son droit de l'obéissance et de ne pas se révolter contre lui et de ne pas essayer wa alaykum salam wa rahmatullah, et de ne pas l'enlever du pouvoir, mais il faut plutôt se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala pour que Allah nous libère de son mal et qu'il repousse le mal qu'il fait et qu'il le réforme. Donc ça c'est la fin de la parole de l'imam An-Nawawi. L'imam Ibn Allan, il a expliqué, il a dit, Cheikh Ibn Allan, il dit, dans son livre Dalil al-Falihin, il dit, « فيه الصبر على المقدور والرضا بالقضاء حلوه ومره والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم. » انتهى كلامه. Donc il dit, il y a dans ce hadith-là le fait de faire preuve de patience et d'endurance face à ce qui a été prédestiné, et de faire preuve de satisfaction et d'agrément à ce qui a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit amer ou que ce soit bon, que ce soit doux ou amer. والتسليم لمراد الرب العليم الحكيم, et de se soumettre à la volonté du Seigneur, l'omniscient et le sage. الدليل الثالث لتوازيام بروف أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا عن أسيد بن حضير أن رجلا من الأنصار خلى برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تستعملني كما استعملت فلانا فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض وقد بوب عليه النووي في شرح مسلم فقال باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم انتهى كلامه وبوب عليه ابن أبي عاصم في السنة فقال باب ما أمر به النبي ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر عندما يرى المرء من الأمور التي يفعلها الولاة انتهى كلامه. Donc la troisième preuve avec ces explications, c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim dans les deux Sahih. Selon Asyad ibn Hudayr, qu'un homme parmi les Ansar est venu parler en privé avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit « Est-ce que tu ne vas pas m'utiliser dans une position ou dans un, comme amir comme tu as utilisé un tel et un tel comme amir ?» Hein? Alors, il vient pour demander un poste ou une position pour être responsable ou pour avoir, pour être comme un amir, un dirigeant. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous allez rencontrer après moi, yani atharatan, c'est-à-dire comme on a dit tout à l'heure, vous allez rencontrer après moi des dirigeants qui se donnent des privilèges dans les choses dans lesquelles le peuple a un droit. Et il dit donc, soyez patient jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès de Al-Hawd, c'est-à-dire le bassin ou bien la fontaine au jour de la résurrection où les croyants vont boire. C'est-à-dire, soyez patient jusqu'au jour de la résurrection, hein, jusqu'à ce que vous me rencontriez auprès de cet endroit-là. Et l'imam al-Nawawi, dans le charh de Sahih Muslim, il a mis comme titre pour le chapitre où il a mentionné ce hadith-là, le chapitre s'intitule l'ordre d'être patient lorsque les dirigeants sont injustes et qu'ils se donnent des privilèges. Et aussi dans le livre de As-Sunnah de l'imam Ibn Abi Asim, il a donné comme titre au chapitre ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de faire preuve de patience lorsque quelqu'un voit des choses que font les dirigeants. C'est ça le titre du chapitre qu'il a donné. Donc ça c'est la fin de l'exemple des chapitres en question. La quatrième preuve, Ad-Dalil al-Rabi', أخرج الإسماعيلي في مسند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا قال أتاني جبريل فقال إن أمتك مفتتن من بعدك فقلت من أين قال من قبل أمرائهم وقرائهم يمنع الأمراء الناس الحقوق فيطلبون حقوقهم فيفتنون ويتبع القراء هؤلاء الأمراء فيفتنون فقلت كيف يسلم من سلم منهم قال بالكف والصبر إن أعطوا الذي لهم أخذوه وإن منعوا تركوه قال ابن كثير في مسند الفاروق بن عمر بن الخطاب حديث غريب من هذا الوجه فإن مسلمة بن علي الخشني ضعيف انتهى كلامه. Donc il mentionne ce hadith qui est rapporté par Al-Ismaili dans la Musnad de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Selon Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il dit que Jibril, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Jibril est venu me voir. Et il m'a dit, après toi, ta umma va être éprouvée. Alors je dis, de quelle façon, comment ils vont être éprouvés? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril a répondu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ils vont être éprouvés de la part de leurs dirigeants et de leurs savants. Les dirigeants vont empêcher ou vont refuser de donner le droit au peuple qu'ils ont. Alors les gens vont demander leurs droits et ils vont être éprouvés. Ils vont subir une fitna à cause de ça. Et des savants vont suivre ces dirigeants-là et eux aussi vont être éprouvés. Alors il dit, le prophète a posé la question, alors comment ceux qui vont être épargnés, comment seront-ils épargnés de cette situation? Et le prophète Jibril a répondu, il a dit, bil kaffi wa sabr, c'est-à-dire en se retenant et en faisant preuve de patience. Il donne ce qu'ils doivent donner, il le donne. Non, pardon. Si on leur donne quelque chose qui est de leur droit, qui leur appartient, ils le prennent. Mais si on leur refuse, si on refuse de leur donner, ils le laissent. Et là, ils patientent. Si on leur donne qu'est-ce qui est leur droit, ils le prennent. Mais si on refuse de leur donner, ils le laissent. En plein dans l'exemple, hein. Donc ça c'est, il dit, ça c'est rapporté par Ibn Kathir dans Musnad al-Farouq de Omar ibn al-Khattab. C'est un hadith gharib. De cette façon, il n'est pas rapporté par de nombreux rapporteurs. Et dans le hadith, il y a un rapporteur qui est daïf. Toutefois, le hadith, la signification de ce hadith est supportée par plein d'autres hadith authentique, donc ça renforce le sens de ce hadith là, même s'il y a un rapporteur qui est faible dedans. Après il dit la cinquième preuve, الدليل الخامس أخرج ابن أبي شيبة في المصنف والخلال في السنة وأبو عمرو الداني في الفتن وابن أبي زمانين في أصول السنة بإسناد جيد عن سويد ابن غافلة قال قال لي عمر رضي الله عنه يا أبا أمية إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة ولا تفارق الجماعة. Donc ça c'est rapporté dans la musnad al-musannaf de Ibn Abi Shayba, dans le livre As-Sunnah de l'imam al-Khallal, dans le livre Al-Fitan de Abu Amr al-Dani et par Ibn Abi Zamanayn dans son livre Usul al-Sunnah, avec une chaîne qui est bonne selon Suwayd ibn Ghafala. Il dit, Omar radiallahu anhu, il m'a dit, Ô Bani Umayya, oncle de Umayya, père de Umayya, il a dit, je ne sais pas si je vais te rencontrer après cette année-ci. Je ne sais pas si c'est possible qu'après cette année-ci, je ne veux pas te revoir, je ne veux pas te rencontrer encore une fois. Alors, sache que si tu as sur toi ou on place sur toi un amir qui est éthiopien et qu'on lui a coupé les extrémités, et coupé les extrémités, les ulama, ils ont dit soit qu'il a les bras coupés et les jambes coupées, ou bien qu'on lui a coupé le nez et les oreilles. Il dit, même s'il est dans cet état-là, écoute-le et obéis-lui. Il dit, et s'il te frappe, sois patient. Et s'il te prive de ton droit, sois patient. Et s'il veut t'ordonner quelque chose qui diminue ta religion, Alors dans ce cas-là, dis, j'écoute et j'obéis, mais mon sang a moins de valeur que ma religion. Mon sang a moins de valeur que ma religion. Et ne te sépare pas de la jama'a. C'est-à-dire que s'il t'ordonne de faire quelque chose qui est contraire à ta religion ou qui est un péché, dans ce cas-là, tu ne vas pas lui obéir dans le péché. Et tu vas dire, ton sang, à moins, ta religion est plus importante que ton sang ou que ta vie. Et tu ne vas pas te séparer de la jama'a. الدليل السادس la sixième preuve أخرج أبو عمر الداني. Ça c'est une parole de Omar ibn al-Khattab, c'est pas un hadith, mais ça vient confirmer les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ça prouve que ça fait partie de la sunna des khulafa ar-rashidin. Ça fait partie de la sunna des khulafa ar-rashidin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de suivre et d'obéir. Il dit dans la preuve numéro 6, dalil al-sadis, أخرج أبو عمر الداني في الفتن عن محمد بن المنذكر المنكدر عن محمد بن المنكدر قال لما بويع يزيد بن معاوية ذكر ذلك لابن عمر فقال إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي زمانين في أصول السنة. Donc ça aussi c'est une parole intéressante de la part du fils de Omar ibn Khattab. C'est rapporté selon Abu Amr al-Dani dans Al-Fitan, selon Muhammad ibn al-Munkadir, il dit, lorsqu'on a donné l'allégeance, le serment d'allégeance à Yazid ibn Muawiyah, Yazid le fils de Muawiyah, lorsqu'il est devenu le khalifa, on a mentionné ça à Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab. Alors qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, s'il est bon, nous sommes satisfaits. Mais s'il est mauvais, nous allons être patients. C'est comme ça que le musulman doit répondre et doit agir face à son dirigeant. S'il est bon, on va être satisfait. S'il est mauvais, on va être patient. Parce que les dirigeants sont des êtres humains. Ils peuvent être bons comme ils peuvent être mauvais. Et s'ils sont bons, alhamdoulilah, et s'ils sont mauvais, il faut faire preuve de patience. C'est une épreuve pour nous. Et ça, c'est rapporté, cette parole, selon Ibn Abi Shayba et Ibn Abi Zamanain dans Usul Sunnah. Al-Dalil al-Sabi', la septième preuve, Rawa al-Tabrizi fi al-Nasiha lil-Ra'i wal-Ra'iyya an Ka'b al-Ahbar annahu qal السلطان ظل الله في الأرض فإذا عمل بطاعة الله كان له الأجر وعليكم الشكر وإذا عمل بمعصية فكان عليه الوزر وعليكم الصبر ولا يحملنك حبه على أن تدخل في معصية الله ولا بغضه على أن تخرج عن طاعته ففي هذه الأحاديث والآثار وغيرها كثير وجوب الصبر على جور الأئمة واحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم. Donc le cheikh il donne le septième preuve, et c'est la dernière qu'il a cité dans ce chapitre. Il dit que c'est rapporté selon At-Tabrizi dans son livre An-Nasiha lir-Ra'i war-Ra'iyya, le bon conseil aux dirigeants et au peuple. Selon Ka'b al-Ahbar, il a dit, et c'est pas un hadith, mais c'est juste une parole comme ça, qu'il a dit que le dirigeant, il est l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la terre. Et si on agit selon son obéissance, si lui, le dirigeant, agit selon l'obéissance d'Allah, il aura la récompense. et nous devons être reconnaissants. Et s'il agit dans la désobéissance d'Allah, alors il aura le péché et nous devons faire preuve de patience. Et tu ne dois pas laisser ton amour pour le dirigeant te faire tomber dans le péché d'Allah, la désobéissance d'Allah, et tu ne dois pas non plus laisser ta haine pour le dirigeant te faire sortir de son obéissance. Et il dit donc, après avoir cité cette parole, il dit, il y a de nombreux hadiths et de nombreuses athars, de nombreuses narrations de la part des salafs au sujet de l'obligation de faire preuve d'endurance face à l'injustice des dirigeants. Lorsqu'on anticipe du mal ou de la nuisance venant de sa part ou venant de leur part, il dit, mais il y a dans le fait de faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de ça, hein, vis-à-vis de cette injustice, il y a un grand mal qui est repoussé, hein, dont les conséquences, le fait de faire preuve de patience face à cette injustice-là, ça repousse des grands problèmes que si on ne faisait pas preuve de patience face à ces problèmes-là, eh bien, ça pourrait ramener des conséquences beaucoup plus graves et beaucoup plus mauvaises que l'injustice qu'ils nous font. Et il cite certains exemples après, il dit, يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا لأنه يترتب على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وقال تعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. Donc on va lire cette première partie. Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, c'est un grand savant parmi les ulama des Ahnaf. Il a fait le sharh de la aqida qu'on appelle al-aqida al-tahawiyya. L'autre jour je l'ai vu ici. Elle est ici, la aqida al-tahawiyya. Je voulais vous la montrer. La voilà. Vous voyez ça? Ça c'est Al-Aqida Tahawiyya. C'est tout petit, hein? On dirait pas que c'est un gros livre d'Aqida. Mais c'est un des livres d'Aqida les plus complets et les plus avancés, hein, que les ulama enseignent. Ce livre-là, qui semble si petit, il a juste comme 50 pages, il rentre dans la main. Eh bien, il a été expliqué par le Cheikh Ibn Abi al-Izz al-Hanafi. La Aqid al-Tahawi a été écrit par Abu Ja'far Ahmad Ibn Muhammad al-Tahawi al-Hanafi. Il est né en 235, il est mort en 321. Donc c'est un des imams parmi les salafs. Et il a résumé donc la aqida d'Ahl al-Sunnah al-Jama'a dans ce livre. L'imam Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, il est né plusieurs siècles après, mais il a fait une explication. Il a écrit un livre pour expliquer cette aqida. Et il l'a expliqué dans un livre qui est publié aujourd'hui, hein, dans plusieurs éditions différentes, et il s'appelle Sharh al-Aqidah al-Tahawiyah, l'explication de l'Aqidah al-Tahawiyah, et il fait comme 500 pages pour expliquer ce petit livre. Donc c'est vraiment un livre très très rempli de science, rempli de compréhension importante sur la aqida. Et dans un des points que l'imam al-Tahawi a mentionné au sujet de l'obéissance du dirigeant, parce que ça fait partie des fondements de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, eh bien il parle justement de ce point-là, et Ibn Abi al-Aziz al-Hanafi, il a commenté et clarifié cette question-là. Et il dit, en ce qui concerne l'obligation d'obéir les dirigeants et de rester sur l'obéissance des dirigeants, même s'ils sont injustes, c'est à cause de des conséquences qui risquent de se produire lorsque on se révolte contre son obéissance. Les conséquences négatives qui sont sont plusieurs fois plus graves et plus mauvaises que l'injustice qui est causée par ces dirigeants-là eux-mêmes. C'est-à-dire que, il dit, si tu fais preuve de patience face à leur injustice, il y a du bien pour toi là-dedans. Premièrement, ça va effacer tes péchés. Et ça va multiplier tes récompenses. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a mis sur toi comme dirigeant uniquement à cause de la corruption de tes œuvres. C'est comme pour dire que la raison pour laquelle Allah a mis au pouvoir sur toi des dirigeants qui sont injustes, c'est à cause de tes propres péchés. Il dit que la rétribution correspond toujours à l'action. La rétribution correspond toujours à l'action que tu as fait. Dans le sens que si tu as fait du bien, tu vas retrouver du bien. Si tu as fait du mal, tu vas subir toi aussi du mal. Et il dit que dans ce cas-là, si tu veux être épargné de cette injustice ou sortir de cette situation, eh bien tu dois faire des efforts pour demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala et pour te repentir et réformer tes œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, le verset 30 dans Sourate Shura, il n'y a rien qui vous atteint comme malheur, excepté que c'est à cause de ce que vos mains ont acquis. Et il pardonne beaucoup. Donc tout ce qui t'atteint comme malheur, c'est à cause de ce que tes mains ont acquis. Un autre verset qu'il cite, le verset 165 dans Sourate Al-Imran, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا. Est-ce que lorsque un malheur vous a touché, alors que eux, c'est-à-dire les mushrikines, ils ont été touchés par le double, vous dites à ce moment-là, d'où est-ce que cela vient, d'où est-ce que nous vient ce malheur-là? Dit, cela vient de vous-même. Et le verset 79 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui te touche comme bien, ça vient d'Allah. Et ce qui te touche comme mal, eh bien, ça vient de toi-même. Ce qui te touche comme bien, ça vient d'Allah. Et ce qui te touche comme mal, ça vient de toi-même. Et un dernier verset qu'il a cité, et ça c'est une preuve en fait pour faire comprendre que l'injustice que nous subissons de la part de nos dirigeants, c'est à cause de notre propre injustice à nous. Le verset 129 dans Sourate Al-An'am, ça c'est un verset important. 129 dans Sourate Al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset-là ce qui signifie, et c'est ainsi que nous mettons des injustes au-dessus des injustes. Nous mettons au pouvoir des injustes sur les injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. Il donne à certains injustes le pouvoir sur d'autres injustes à cause de ce qu'ils ont acquis. Donc, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il punit les gens pour leurs péchés en leur donnant des dirigeants qui sont injustes et qui leur font subir des injustices parce qu'eux-mêmes, entre eux, ils sont injustes. Il dit donc que si l'imam, c'est toujours la suite de la parole de l'imam Ibn Abi al-Izz, il dit, et donc si le peuple veut se débarrasser de l'injustice de ce dirigeant injuste, qu'ils cessent eux-mêmes d'être injustes. Qu'ils cessent eux-mêmes d'être injustes. Il dit, وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله أن الله مالك الملك وقلوب الملوك بيده أن الله مالك الملك قلوب الملوك بيده فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا أعطفهم عليكم أعطفهم عليكم ولكن توبوا أعطفهم عليكم انتهى كلامه. الشيخ الزي C'est rapporté selon Malik ibn Dinar que dans certains livres que Allah avait révélés, il avait dit « Je suis Allah, le roi des rois. Les cœurs des rois sont dans ma main. Celui d'entre vous qui m'obéit, je vais faire qu'il soit une miséricorde pour vous. » C'est-à-dire, je vais faire que ces dirigeants-là soient une miséricorde pour vous. « Mais celui qui me désobéit, je vais faire qu'il soit un châtiment pour vous, hein, pour lui, pour celui qui me désobéit. Alors, ne vous occupez pas, hein, n'occupez pas vos personnes à insulter les rois, mais plutôt repentez-vous, et alors je les rendrai doux pour vous. Mais repentez-vous de vos péchés et je les rendrai eux doux pour vous. Et naam. Donc ça c'est mentionné par l'imam dans l'imam Ibn Abi al-Izz, et il continue ensuite, il dit وَهَذَا الْأَثَرَ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنَ الْإِسْرَائِلِيَاتِ وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِي صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْفُوعًا وَلَا يَثْبُتُ وإنما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح إلى مالك بن مغول قال كان في زبور داود إني أنا الله لا إله إلا أنا وبنحوه وقال وقد جزم ابن الجوزي في العلل أن هذا من الكلام الوارد في بعض الكتب السابقة وتبعه على ذلك السخاوي في Donc il dit que c'était rapporté dans les Israïliates, dans les histoires qui ont été rapportées par Bani Israël. Et il y a une version qui était attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais elle n'est pas authentique. Toutefois, c'est rapporté dans la Musannaf de l'imam Ibn Abi Shayba avec une chaîne authentique. Que Malik ibn Marwal a dit que ça c'était quelque chose qui avait été dit par Daoud dans Az-Zabur. Il commençait en disant « Moi, je suis Allah, rien ne mérite d'être adoré, excepté moi. » Puis il a dit cette parole qu'on a traduit préalablement. Et Ibn al-Jawzi, il a confirmé et il a dit avec certitude que cette parole-là était dans certains des livres précédents. C'est-à-dire des livres qu'Allah a révélés. Et il a été. C'est-à-dire que l'imam al-Sakhawi, il a suivi ce qu'il a dit à ce sujet-là. Et il a mentionné la même chose dans son livre Takhrij al-Adilin. Donc c'est une parole qui était rapportée dans un des livres précédents. Qui exprime et qui explique un peu comment le croyant doit agir envers le dirigeant lorsque ce dirigeant est injuste. et comprendre que l'injustice qui vient de la part de ce dirigeant-là, eh bien, c'est le résultat de ses propres actions. Et ça, ça amène le croyant à devenir responsable. Dans le sens que, au lieu de toujours se plaindre que c'est la faute de quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui lui arrive, eh bien, il apprend à accepter la responsabilité de ses erreurs et de ses fautes à lui pour réparer justement le tort qui a été commis. Au lieu de toujours chercher un bouc émissaire pour, sur lequel mettre ses reproches et ses remords, et puis pour lui, comme s'il s'innocentait de toute responsabilité, puis dire « ben moi je suis correct en fait, je suis bon, je suis honnête, je suis pieux, je suis juste, et tout ce qui m'arrive comme malheur, c'est uniquement à cause des autres. Moi, j'ai rien à faire avec l'injustice qui m'arrive. » Donc, cette attitude-là, c'est pas l'attitude du mu'min. Vous savez que les salafs, subhanallah, dans ces choses-là, ils étaient vraiment graves. Ils disaient, quand je fais un péché, je vois l'effet de ce péché-là dans ma monture, et dans ma femme et dans mes enfants. Yani, subhanallah. Ça, c'était comme ça que les salafs, ils voyaient. C'est-à-dire qu'ils disaient que ah, si sa femme, elle agit mal avec lui, ou ses enfants, ou son cheval, ou quoi, ils disaient, ça, c'est à cause d'un péché que j'ai fait. Donc, ils n'étaient pas en train de toujours. Ouais, non, c'est ça. C'est pas pour dire comme aujourd'hui, les gens, ils disent, mais qu'est-ce que j'ai fait, hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui. Exactement. Il dit qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Comme si ça dit, moi je suis innocent. La faute, c'est la faute des autres seulement. Allah al-Musta'ana, celui qui accuse Allah, c'est encore plus grave. J'ai jamais pensé que quelqu'un aurait pu être en colère contre Allah subhanahu wa ta'ala ou accuser Allah subhanahu wa ta'ala de quoi que ce soit. Toutefois, il y a beaucoup d'entre les koufars qui ont le culot de faire ça, alors qu'ils ne réalisent pas que tout ce qu'ils ont de bien vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et que Allah ne leur doit rien. Tout ce qu'il leur a donné, c'est par pure générosité, par une gracieuseté de sa part. Et malgré tout, les hommes se permettent d'être ingrats envers lui. Allah musta'an. Et s'il leur reprend quelque chose et puis qu'il y a une sagesse dedans, mais qu'eux ne peuvent même pas réaliser la sagesse qu'il y a derrière la situation, ils sont prêts à accuser Allah subhanahu wa ta'ala et même parfois à l'insulter. Sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre numéro 7, c'est le chapitre suivant, Al-Fasl al-Sabi' fi an-nahy 'an sabb al-umara, au sujet de l'interdiction d'insulter les dirigeants. الشيخ دي الوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معايبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعلها وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معا. Donc le cheikh il dit que d'attaquer l'honneur des dirigeants et de s'occuper à les insulter ou à mentionner leurs fautes et leurs défauts, ça c'est une grave erreur et un crime laid. Et Allah subhanahu wa ta'ala il l'a interdit. C'est interdit dans la révélation d'Allah et celui qui le fait il a été blâmé. Et en fait, c'est de là que part le noyau de la rébellion contre les dirigeants. C'est-à-dire, lorsque les gens commencent à insulter les dirigeants, c'est de là que part la révolte. Et c'est ça l'origine. Il dit donc que c'est la base de la corruption de la religion et de la dunya ensemble. Il dit, وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ الْوَسَائِلَ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَاصِدِ فكل نص في تحريم الخروج وذم أهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. Donc on a su que dans l'islam les moyens que tu emploies pour arriver à un objectif, ils ont les mêmes verdicts et les mêmes jugements que les objectifs eux-mêmes. Dans le sens que si tu veux faire quelque chose qui est haram, eh bien, tout ce qui va t'amener à y arriver devient haram aussi. C'est-à-dire tous les moyens que tu vas utiliser pour obtenir ou arriver à faire cette chose qui est haram, ça devient haram aussi. D'accord ? Tu comprends pas ? On va dire que, bon, tu veux... disons que tu veux aller acheter de l'alcool. Ok ? Mais tout ce que tu vas faire pour acheter cet alcool-là et qui va t'amener à aller l'acheter, ça va être haram aussi. Comme par exemple, marcher vers cet endroit-là pour aller l'acheter ou aller travailler pour prendre de l'argent, pour aller gagner cet argent, pour aller l'acheter de l'alcool avec, ou tout ce que tu vas faire pour y arriver ou pour l'obtenir. Prendre un auto pour aller la chercher ou des choses comme ça. C'est tout ce qui va t'amener, tout moyen qui va t'amener vers quelque chose qui est haram, eh bien c'est haram de le faire. C'est ça que ça veut dire. Tout ce qui va t'amener à tomber dans quelque chose qui est haram, il devient lui-même haram. Donc il dit فكل نص في تحريم الخروج على ذم اهلي وذم اهله دليل على تحريم السب وذم فاعله. Donc si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que c'est interdit de se révolter contre le dirigeant musulman, même s'il est injuste ou même s'il fait des péchés, eh bien ça implique que tout ce qui va t'amener à te révolter contre le dirigeant devient lui aussi haram. Donc, tu dis, ah mais je me révolte pas contre le dirigeant, je fais juste l'insulter. Oui, mais le fait de l'insulter, c'est une des choses qui fait que à la fin, tu vas te révolter contre lui, ou tu vas faire que les gens vont le détester, ils vont se révolter. Donc, ça aussi c'est haram. Tu comprends ? Tout ce qui va t'amener à tomber dans quelque chose qui à la fin est haram, donc ça devient haram aussi. Ça c'est une des règles dans la religion. Donc le cheikh il dit وَثَبَتَ فِي الصَّحِحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي الصحيحين أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقد ورد النهي عن سب الأمراء على الخصوص لما في سبهم من إذكاء نار الفتنة وفتح أبواب الشرور على الأمة وها هي النصوص في ذلك. Donc le cheikh il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, comme c'est rapporté dans le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu dans al-Bukhari Muslim, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et donc ça implique de façon générale de se taire de tout ce qui est mauvais, de ne pas dire qu'est-ce qui est mauvais et donc de ne pas insulter. Et en particulier le dirigeant. Dans un autre hadith également, qui est rapporté selon Al-Bukhari et Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il a dit, les gens ont dit au messager d'Allah, qu'est-ce qui est meilleur dans l'islam? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui exempte les musulmans du mal de sa langue et de sa main. Celui qui exempte les musulmans du mal de sa langue et de sa main, ça c'est le meilleur islam. Et il y a d'autres hadiths qui sont spécifiques sur l'interdiction d'insulter les dirigeants, parce que c'est qu'est-ce qui allume le feu de la fitna et qui ouvre les portes du mal pour la umma. Et voici donc les textes en question. Donc il va citer quelques hadiths à ce sujet-là. Il en a cité, je pense, 14. Non, pas 14, même plus que ça. Subhanallah. Il a cité 17 hadiths et athar sur le sujet. On en a déjà mentionné certains d'entre eux au début du livre. Le premier, Dalil al-Awwal, akhraja al-Tirmidhi an Ziyad ibn Kasib, ibn Kusayb al-Adawi. قال كنت مع أبي بكر تحت منبر ابن عامر وهو يخطب وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال انظر إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق فقال أبو بكر اسكت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. Donc ça c'est le hadith, on l'a mentionné déjà, c'est rapporté selon Tirmidhi. Selon Ziyad ibn Kusayb al-Adawi, il dit j'étais avec Abi Bakr sous le mimbar de Ibn Amir alors qu'il faisait la khutba et il avait des vêtements qui étaient minces, hein, des vêtements fins. Alors Abu Bilal a dit regardez, notre dirigeant, il a des vêtements les vêtements des pêcheurs, les vêtements des pervers. Abu Bakr lui a dit, tais-toi, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui avilie ou qui humilie le dirigeant d'Allah sur la terre, Allah va l'humilier. Et le deuxième dalil, An ibn Bishran, fi amalihi, akhbarana da'laj ibn Ahmad, haddathana Hamid, ابن محمد بن شعيب البلخي حدثنا سريج بن يونس حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن محمد بن أبي قيس حدثنا أبو مصبح الجهني الحمصي قال جلست إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم شداد بن أوس وقال فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل بكذا وكذا من الخير وإنه لمنافق قالوا وكيف يكون منافقا وهو مؤمن فقال يلعن أئمته ويطعن عليهم رجاله ثقات سوى محمد بن أبي قيس وهو شامي لم أعرفه ولعله من المجاهيل إذ مروان بن معاوية معروف بالرواية عنهم والله أعلم. Donc la deuxième preuve que le cheikh il a mentionné, c'est selon Ibn Bashran. Bon, il cite toute la chaîne de transmission, puis jusqu'à ce qu'il arrive, il dit que Abu Musabbih al-Juhani al-Himsi, il dit je me suis assis vers un groupe des compagnons du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait Shaddad ibn Aws. Il a dit que les gens ont dit au messager d'Allah, il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit un homme fait telle et telle action de bien, mais c'est un hypocrite. Alors les gens ont dit ô messager d'Allah, comment pourrait-il être un hypocrite alors que c'est un croyant. Il a dit, il insulte ses dirigeants, hein, et il parle contre eux ou les attaque. Ça c'est rapporté par des rapporteurs qui sont fiables, excepté Muhammad ibn Abi Qais. C'est un Shami, il vient du Sham, et il dit je le connais pas, mais c'est possible qu'il fasse partie des Madjahil. C'est-à-dire ceux qui sont des rapporteurs, mais qui ne sont pas connus. Et pourquoi? Parce que Marwan ibn Muawiyah, il est connu comme étant quelqu'un qui rapporte de ceux qui ne sont pas connus. Wallahu a'lam. والدليل الثالث أخرج البزار في مسنده من طريقه ومن طريقه الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن المثنى حدثنا إبراهيم بن سليمان التباس حدثنا مجاعة ابن الزبير العتكي عن قتادة عن أبي تميمة طريف ابن مجالد الهجيمي عن عمرو البكالي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حرم الله عليكم سبهم وحل لكم الصلاة خلفهم. قال الهيثمي في المجمع فيه مجاعة بن الزبير العتكي وثقه أحمد وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات. انتهى كلامه. قلت ضعفه الدارقطني وذكره العقيلي في الضعفاء. أما ابن عدي فقال هو ممن يحتمل ويعني يكتب حديثه. انتهى كلامه. وكان جارا لشعبة ابن الحجاج. On va pas lire tous les détails de qu'est-ce qu'il explique au sujet de la chaîne de transmission. Il dit ici أنه سمع عمرا البكالي إذا كانت الأمراء إذا كانت عليكم أمراء يأمرونكم بالصلاة والزكاة حلت لكم الصلاة خلفهم وحرم عليكم سبهم. وهذا لفظ أبي نعيم. وقال الحافظ في الإصابة في وسنده الصحيح. وقال وأخرجه ابن السكن من هذا الوجه. فقال عمرو بن عبد الله البكالي يقال له الصحبة سكن الشام. وحديثه موقوف ثم ساقه كما تقدم. ولكن قال سمعته يقول إذا أمرك الإمام بالصلاة والزكاة والجهاد فقد حلت لك الصلاة خلفه وحرم عليك سبه. وقال أبو سعد الأشج حدثنا إلى يعني ذكر أن هذا إسناد هذا يعني فذكر حديثا موقوفا وهذا سنده صحيح. Donc c'est ça, il y a plusieurs narrations de ce même hadith là. Puis le cheikh il les a toutes ramenées. Qu'est-ce que ça dit ce hadith? Ça dit que yani, Amr al-Bukali, il dit j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui dit si il y a des dirigeants qui vous dirigent et qui vous ordonnent de faire la salat, de payer la zakat et de faire le jihad, alors il vous a été interdit de les insulter. Et il vous est permis de faire la prière derrière eux. C'est ça. Donc il y a différentes narrations, différentes versions de ce hadith, différentes chaînes. La preuve numéro 4, قال ابن أبي عاصم رحمه الله حدثنا هدية ابن عبد الوهاب حدثنا الفضل ابن موسى حدثنا حسين ابن واقد عن قيس ابن وهب عن أنس بن مالك قال نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهانا كبراءنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. Donc il s'est rapporté selon Anas ibn Malik, il a dit que nos grands nous ont interdit, parmi les compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et, qui a dit, n'insultez pas vos dirigeants, et ne les trichez pas, ne les trahissez pas, ne les détestez pas, et craignez Allah, et soyez endurants, car l'affaire est proche. Donc il cite plusieurs narrations de ce même hadith. Donc on ne va pas tout lire l'explication qu'il mentionne à ce sujet. Mais il dit ففي الأثر ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب وهذا النهي منهم رضي الله عنهم ليس تعظيما لذوات الأمراء وإنما هو لعظم المسؤولية التي وكلت إليهم في الشرع والتي لا يقام بها على الوجه المطلوب مع وجود سبهم والواقعة فيهم لأن سبهم يفضي إلى عدم طاعتهم في المعروف وإلى إيغار صدور العامة عليهم مما يفتح مجالا للفوضى التي لا تعود على الناس إلا بالشر المستطير كما أن مطاف سبهم ينتهي بالخروج عليهم وقتالهم وتلك الطامة الكبرى والمصيبة العظمى. Donc le cheikh il dit dans cette narration il y a l'accord des grands parmi les sahaba du fait qu'il est interdit d'insulter les dirigeants. Et il dit que cette interdiction de leur part, ce n'est pas pour uniquement le respect de leur personne, mais c'est surtout pour respecter la grandeur de la responsabilité qui leur a été donnée dans la charia. Et qui ne peut être appliquée correctement, excepté... c'est-à-dire que cette responsabilité-là qu'on leur a donnée ne peut pas être établie correctement alors que des gens sont en train de les insulter ou de les attaquer leur personne ou leur honneur ou des choses de ce genre. Parce que dans le fait de les insulter, il y a quelque chose qui amène justement à ne pas les obéir, même dans le bien, et à faire en sorte que les cœurs des gens vont être remplis de haine contre eux. Et ça ouvre la porte au chaos et ça ne ramène pas de bien pour les gens, ça ramène plus du mal, mais c'est un mal généralisé. De même que le fait de les insulter, à la fin ça a comme conséquence la révolte et le combat contre eux, et après c'est le grand malheur et le désordre, le grand malheur et le grand désordre. Et dit, فهل يتصور بعد الوقوف على هذا النهي الصريح عن سب الأمراء أن مسلما وقر الإيمان في قلبه وعظم شعائر الله يقدم على هذا الجرم أو يسكت عن هذا المنكر؟ لا نظن بالمسلم هذا ولا نتصور وقوعه منه، لأن نصوص الشرع وما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم في قلبه من العواطف والانفعالات التي هي في الحقيقة إيحاءات شيطانية ونفثات بدعية لم يسلم لها إلا أهل الأهواء الذين لا قدر للنصوص في صدورهم بل لسان حالهم يقول إن النصوص في هذا الباب قد قصرت كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Le Cheikh il dit, est-ce que tu peux concevoir qu'un croyant, après avoir lu ces textes qui sont clairs et explicites dans l'interdiction d'insulter les dirigeants, pourrait, s'il a encore de la foi dans son cœur et qu'il respecte la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'est-ce que Allah a ordonné de faire comme adoration, est-ce qu'il peut se permettre de rentrer dans ce genre de crime ou de se taire face à ce mal? Il dit non, on ne peut pas penser cela d'un musulman et on ne peut pas concevoir que cela puisse se produire de la part d'un musulman, car les textes de la révélation qui nous montrent qu'est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient comme exemple et comme comportement, eh bien ça a un plus grand effet dans le cœur du croyant que les émotions et les réactions émotives qui sont en réalité des inspirations du shaitan et des souffles d'innovation qui ne peuvent disons, avoir des faits sur quelqu'un que s'il fait partie des gens de la passion, qui n'ont aucun respect pour les textes de la révélation dans leur cœur. Et leur état dit en réalité que pour eux, ces textes-là sont des textes qui sont insuffisants, qui sont incomplets. C'est-à-dire les textes qui ordonnent d'écouter, d'obéir aux dirigeants et de ne pas les insulter. Et donc, c'est comme s'ils disaient ça, en fait. Et moi, j'ai déjà eu affaire à une personne qui, justement, lorsqu'on lui a cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont authentiques à ce sujet-là, a dit, ces hadiths-là sont pas authentiques, ou bien qu'ils ont rejeté ça en disant, ça c'est des hadiths qui ont été écrits pour faire plaisir aux dirigeants. Donc ça c'est comme l'idée des Mu'tazila et des gens de bid'a. Donc comment tu vas dire ça? Si tu peux dire ça sur un sujet comme l'obéissance aux dirigeants, ça veut dire que tu choisis les hadiths selon tes passions et tes désirs. Quand tu trouves des hadiths qui sont en ta faveur ou qui parlent de qu'est-ce que tu aimes entendre, tu les acceptes. Et si c'est des hadiths qui sont authentiques mais qui ne sont pas en accord avec tes désirs et tes passions, tu les refuses et tu les rejettes. Exactement. Exactement. Si la personne elle réfléchit sur juste cet exemple-là que tu lui as donné, ça devrait être suffisant pour le faire réfléchir. Tu vois, si ton fils, toi t'es un père, si t'es un parent, et que lorsque tu désobéis à Allah ou que tu fais un péché, ton enfant vient te voir puis il t'insulte ou il te parle avec insolence ou il te montre un manque de respect, est-ce que tu vas accepter un conseil de sa part? Bon, c'est en grande partie, en général, les gens ne vont pas accepter. Parce que les gens n'acceptent pas de quelqu'un lorsque la personne est impolie, ou lorsque la personne est insolente, ou lorsque la personne est insultante. Donc, qui voudrait écouter quelqu'un et voir quelqu'un lui donner un conseil d'une manière effrontée ou impolie, hein? Et le cheikh, il dit ensuite, dans la suite des preuves, « Ad-dalil al-khamis, qala ibn Abi Shayba, rahimahullah, حدثنا ابن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس قال ذكرت الأمراء عند ابن عباس وعليكم السلام ورحمة الله فانبرك الرجل في عرض أخيه يعني يقصبه إذا اجتهد في ذمه. نعم. دونك ذكرت الأمراء عند ابن عباس فانبرك فيهم رجل فتطاول حتى ما أرى في البيت أطول منه فسمعت ابن عباس يقول لا تجعل نفسك فتنة للقوم الظالمين فتقاصر حتى ما أرى في البيت أقصر منه. انتهى كلامه. C'est une parole qui est rapportée par Ibn Abi Shayba dans son livre Al-Musannaf, rahimahullah. Il dit, selon Ibn Uyayna, selon Ibrahim Ibn Maysara, selon Taous, il dit que les gens étaient assis en présence d'Abdullah Ibn Abbas. Et Abdullah Ibn Abbas a mentionné les dirigeants. Alors il y en a une personne parmi eux qui a commencé à insulter les dirigeants et à dire des blâmes contre les dirigeants. Et il s'est élevé lui-même dans la maison, il a parlé, il a agi comme s'il était le plus grand dans l'assise. Il a voulu prendre la place, hein, commencer à insulter les dirigeants. Alors, Abdullah ibn Abbas, on l'a entendu dire, ne te place pas toi-même ou ne fais pas de ta personne une fitna pour les gens injustes. Et donc l'homme est devenu tout petit jusqu'à ce qu'il devienne celui qui était le plus petit dans la maison. Tu vois, il s'est mis à sa place. الدليل السادس أخرج البيهقي في شعب الإيمان وابن عبد البر في التمهيد عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال أنه قال إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه. Donc c'est la sixième preuve rapportée par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman et Ibn Abd al-Barr dans Al-Tamhid. Al-Tamhid c'est l'explication de Al-Muwatta de l'imam Ibn Abd al-Barr. Il dit que c'est qu'il a rapporté selon Abi Darda radiallahu anhu qu'il a dit la première forme d'hypocrisie qui apparaît dans une personne c'est qu'il insulte son dirigeant. Il insulte son dirigeant. الدليل السابع أخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي اليمان الهوزني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال إياكم ولعن الولاة فإن لعنهم الحالقة وبغضهم العاقرة قيل يا أبا الدرداء كيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا نحب قال اصبروا فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبسهم عنكم بالموت رجاله ثقات. Donc il dit c'est rapporté par Ibn Abi Asim dans As-Sunnah selon Abi al-Yaman al-Hawzani selon Abu Darda radiallahu anhu, il a dit je vous avertis contre l'insulte des dirigeants, prenez garde à insulter les dirigeants parce que les insulter c'est quelque chose qui rase et de les détester c'est quelque chose qui al-aqira. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça de les insulter, de les détester c'est quelque chose qui amène des massacres à la fin. Il y a beaucoup de désordre. Alors, quelqu'un a posé la question à Abu Darda. Abu Darda, c'est un compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, oh, Abu Darda, comment on fait avec des dirigeants lorsque on les aime pas, ou bien qu'on voit quelque chose d'eux, quelque chose qu'on n'aime pas de leur part? Il a répondu, il a dit, soyez endurants. Parce que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala voit d'eux, c'est-à-dire de ces dirigeants-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il les habisahum ankum, il les retient contre vous, c'est-à-dire en les faisant mourir. Et ça, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va les faire mourir rapidement. S'ils sont injustes et qu'ils agissent mal, Allah subhanahu wa ta'ala va prendre leur vie rapidement, si vous êtes patient. Rijaluhu thiqat. Donc les narrateurs de ce hadith sont authentiques et fiables. Ça dit, il a dit, n'insultez pas les dirigeants. Parce que si vous les insultez et que vous les détestez, ça va ramener beaucoup de mal. Des massacres, des choses comme ça. Alors, on a dit, oh Abu Darda, comment on fait lorsqu'on voit d'eux des choses qu'on n'aime pas? Il a dit, soyez patient, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il voit d'eux c'est ce qu'ils font comme injustice, il va les retenir contre vous par la mort, c'est-à-dire en les faisant mourir. Le dalil numéro 8, جاء في التاريخ الكبير للبخاري عن عون السهمي قال أتيت أبا أمامة فقال لا تسب الحجاج فإنه عليك أمير وليس علي بأمير وقوله ليس علي بأمير لأن أبا أمامة في الشام والحجاج وال في العراق. نعم. Donc il a dit la huitième preuve. Il a été rapporté par Al-Bukhari, dans Tariq Al-Bukhari, Tariq Al-Kabir, selon Aoun Al-Sahmi. Il dit, je suis allé voir Abu Umama. Et il dit, il a dit, n'insultez pas Al-Hajjaj. N'insultez pas Al-Hajjaj. Ibn Yusuf, al-Thaqafi, il a dit, parce qu'il est un dirigeant pour vous, et il n'est pas un dirigeant pour moi. Il dit, pourquoi il a dit, il n'est pas un dirigeant pour moi, il est un dirigeant pour vous, il n'est pas un dirigeant pour moi. Il dit, parce que Aba Umama était en Syrie, tandis que Al-Hajjaj était dirigeant en Irak. Et en même temps, juste pour mentionner un point important ici, c'est que il y en a qui pensent que s'ils ne peuvent pas insulter leurs dirigeants, ils peuvent insulter les dirigeants des autres. Ou bien, s'ils ne peuvent pas insulter les dirigeants dans un pays, ils peuvent insulter les dirigeants d'un autre pays. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui est permis. Hein? Tu dois respecter. Tu ne dois pas insulter les dirigeants des autres. Même si un dirigeant n'est pas ton dirigeant, tu ne dois pas te permettre de l'insulter. Comme il n'est pas permis pour toi d'insulter les dirigeants des autres. والدليل التاسع جاء في التاريخ الكبير للبخاري أيضا عن أبي جمرة الضبعي قال لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال لا تكن عونا للشيطان. C'est rapporté dans le tarikh al-kabir de l'imam al-Bukhari selon Abi Jamra al-Dub'i. Il a dit, lorsque j'ai appris qu'on avait brûlé al-Bayt, je ne sais pas s'il parle de la Kaaba ou bien s'il parle d'une autre maison, mais il dit, j'ai quitté la Mecque et je suis parti jusqu'à ce que j'arrive à rencontré Ibn Abbas, et Ibn Abbas m'a reconnu, et il a été content de me revoir, et j'ai insulté Al-Hajjaj en sa présence. Alors Abdullah Ibn Abbas a dit, ne sois pas un allié ne sois pas un aide pour le shaytan. Quand il a insulté Al-Hajjaj, Abdullah Ibn Abbas a dit, ne sois pas un aide pour le shaytan. والدليل العاشر أخرج ابن سعد في الطبقات أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد ابن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد قال سمعت عبد الله بن عكيم يقول لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان فقال له يا أبا معبد أو أعنت على دمه فيقول إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والفسوي في المعرفة والتاريخ وابن نمير وهذا إسناد صحيح. Donc il a dit dans la dixième preuve dans les tabaqat rapportées selon Abdullah ibn Idris, selon Muhammad ibn Ayyub, selon Hilal ibn Abi Humayd. Il dit, j'ai entendu Abdullah ibn Ukaym qui disait, je ne vais pas aider contre le sang d'un khalifa après Uthman. Je ne vais pas aider personne contre le sang du khalifa après Uthman. Alors on lui a posé la question, ô Abu Ma'bad, est-ce que tu as aidé dans le sang de Uthman? Est-ce que tu as aidé dans le sang qui a été l'assassinat de Uthman ibn Affan? Il a répondu, il a dit, je considère que du fait que j'ai mentionné certains de ses méfaits ou certaines des choses qu'il a faites, que j'ai été un aide dans sa mort, dans son assassinat. Inni a'uddu zikra masawihi awnan ala damihi. Le fait que j'ai mentionné ses méfaits, je considère que j'ai été un aide dans le fait que son sang a été versé injustement. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف والفسوي في المعرفة والتاريخ عن ابن نمير به وهذا إسناد صحيح. Donc on n'est pas loin, on a presque fini. Si vous voulez, on peut lire jusqu'à la fin. Inch'Allah, on va le finir. Akhraja Hannad fi Zuhd, haddathana Abda عن الزبرقان قال كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه قال لا تسبه وما يدريك لعله قال اللهم اغفر لي فغفر له. نعم. Donc il a mentionné Hunnad dans Hunnad dans son livre Az-Zuhd, dans le livre Az-Zuhd, il a rapporté selon Abda, selon Az-Zabriqan, il dit j'étais chez Abi Wa'il, le frère de Ibn Salama. Il dit j'ai commencé à insulter Al-Hajjaj, j'ai mentionné ses méfaits. Alors il a dit, ne l'insulte pas. Qui te dit que peut-être qu'il n'aurait pas dit, oh Allah, pardonne-moi, et qu'il aurait été pardonné. Hein? Il a mentionné la preuve numéro 12. Akhraja ibn Abi Dunya fi kitab As-Samt wa Adab al-Lisan wa ibn al-A'rabi fi Mu'jamih وأبو نعيم في الحلية عن زائدة ابن قدامة قال قلت لمنصور ابن المعتمر إذا كنت صائما أنال من السلطان قال لا قلت فأنال من أصحاب الأهواء قال نعم. Donc c'est rapporté que زائدة ابن قدامة a dit à منصور ابن المعتمر, si je suis en train de jeûner, est-ce que je peux insulter le dirigeant? Il a dit non. Et est-ce que je peux insulter les gens de passion, les gens de bid'ah? Il a dit oui. والدليل الثالث عشر أخرج ابن عبد البر في التمهيد عن أبي عمرو الداني في الفتن عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال ما سب قوم أميرهم إلا حرم خيره. C'est rapporté dans Al-Tamhid selon Ibn Abd al-Barr, selon Abu Amr al-Dani dans Al-Fitan, selon Abi Ishaq al-Subay'i, il a dit il n'y a pas un peuple qui insulte leurs dirigeants excepté qu'ils sont privés de son bien. الدليل الرابع عشر لبروف 14 أخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن عن معاذ بن جبل قال الأمير من أمر الله عز وجل فمن طعن في الأمير فإنما يطعن في أمر الله عز وجل. Donc il a dit que le dirigeant c'est un ordre d'Allah, c'est comme un commandement d'Allah, un ordre d'Allah. Donc celui qui insulte le dirigeant, c'est comme s'il insultait un ordre d'Allah. Naam. الدليل الخامس عشر أخرج ابن زنجوية في كتاب الأموال بسند حسن عن أبي مجلس قال سب الإمام الحالقة لا تقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. Donc c'est rapporté selon Zinjawi dans son livre Al-Amwal, avec une chaîne qui est bonne, selon Abi Mijlaz, il a dit insulter les dirigeants c'est qu'est-ce qui rase, hein, ça rase, raser, comme le fait de raser les cheveux ou raser la tête. Il a dit non, il dit, je ne parle pas de raser les poils, il dit, je parle de raser la religion. Donc, insulter les dirigeants, c'est quelque chose qui rase ta religion. Ça veut dire, ça t'enlève ta religion à la fin. Puisque après, la religion devient difficile à mettre en application. الدليل السادس عشر أخرج ابن زنجوي أيضا بسنده عن أبي إدريس الخولاني أنه قال إياكم الطعن على الأئمة فإن الطعن عليهم هي الحالقة حالقة الدين ليس حالقة الشعر ألا إن الطعانين هم الخائبون والشرار الأشرار. Il a dit, prenez garde d'insulter les dirigeants, parce que d'insulter les dirigeants, c'est qu'est-ce qui rase. Et ça rase non pas les cheveux, mais ça rase hein, non pas les poils, mais la religion. Alors, et il a dit, certes, les gens qui insultent leurs dirigeants, ce sont des perdants, et les pires des pires, les plus mauvais des mauvais. Et il cite comme dernière preuve Zikr ibn Abi ibn al-Jawzi fi manaqib al-manaqib ma'ruf al-Kharki al-Karkhi pardon wa akhbarihi bi sanadihi min tariq ibn Hakaman anna ma'rufan qala man la'ana imamahu hurima 'adluhu man la'ana imamahu hurima 'adluhu. Celui qui insulte son dirigeant, il sera privé de sa justice. Naam. Il dit wa fi al-muntazam fi tarikh al-muluk wal-umam ibn Abi Shay'b ibn al-Jawzi anna Khalid ibn Abdullah al-Qasri khataba يوم كان واليا على مكة فقال إني والله ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. سبحان الله. Donc que c'est mentionné dans le livre de l'imam Ibn al-Jawzi au sujet de l'histoire des rois et des nations, il dit que Khalid Ibn Abdullah al-Qasri, il a fait une khutbah alors qu'il était dirigeant de la Mecque. Et Khalid al-Qasri, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est lui qui le jour de Eid a égorgé Ja'd ibn Dirham comme un mouton. C'était le dirigeant de la Mecque à l'époque. Il a égorgé Ja'd ibn Dirham. Il a dit aux musulmans, après avoir fait son discours, il a dit aux les musulmans, partez égorger vos sacrifices, parce que moi aujourd'hui je vais égorger Ja'd ibn Dirham. Hein, comme un mouton. Il a dit que Allah n'a pas parlé hein, à Moussa et qu'il n'a pas pris Ibrahim comme un Khalil, comme un ami proche. Donc il nie les attributs d'Allah. Ja'd ibn Dirham, c'est le fondateur de la secte des Jahmiyyah. Hein, on ne l'a pas appelé. On l'a appelé par le nom de Jahm ibn Safwan, parce que Jahm ibn Safwan, c'est lui qui a propagé la secte. Mais son professeur, c'était Ja'd ibn Dirham. Et Ja'd ibn Dirham a été exécuté par le dirigeant à l'époque qui s'appelait Khalid al-Qasri. Et c'était le jour de Eid qu'il a été égorgé, yani, par le dirigeant. Il a été exécuté. Parce qu'il a prononcé des paroles d'hérésie et de mécréance. Donc, c'est ça. Il a dit, cet imam, regardez ce qu'il a dit, dans un autre exemple, il dit, je jure par Allah, que si on m'amène l'un de vous qui insulte son dirigeant, je vais le crucifier à la Mecque, yani, dans le haram. Je vais le crucifier, yani, subhanallah. Il était fermé. Il fait fi hadhihi al-athar wa ma ja'a fi ma'naha dalil jali wa hujja qawiyya 'ala al-man' al-shadid wa an-nahy al-akid عن سب الأمراء وذكر معايبهم. يعني aujourd'hui il y aurait beaucoup de gens qui seraient crucifiés hein, parce que si tu vois comment les gens on est devenus faibles, et puis aussi les koufars, eux, ils ont fait de leur système comme si la liberté d'expression, tout le monde a le droit d'insulter n'importe qui, tout le monde. Donc ils ont une peine, les koufars, contre la diffamation, puis contre des trucs de ce genre, mais c'est très difficile de le faire appliquer avec tous les droits que les gens ont, comme le droit à l'expression, le droit ici, le droit ça. À la fin, quelqu'un t'insulte, puis ça n'a plus aucune gravité, alors qu'à l'époque, tu pouvais amener en cour quelqu'un qui porte atteinte à ton honneur, ou qui t'insulte, ou qui te diffame en public. Aujourd'hui, c'est très... C'est... Ouais, l'honneur était important à l'époque, mais aujourd'hui, ça n'a plus d'importance. Donc le cheikh, il dit dans ces textes et narrations qu'on a mentionnées, et dans leur signification, il y a une preuve claire et qui montre que il y a une forte interdiction d'insulter les dirigeants et de mentionner leurs défauts. Khalid ibn Abdullah al-Qasri. Il était l'amir de Mecca. Mais quand on dit dirigeant, ça implique tous ceux qui ont une position de responsabilité, le dirigeant et ses adjoints, hein, ceux qui travaillent pour lui. Oui, exactement, barakallahu fik. Donc le cheikh, il dit ensuite, il dit « فَلْيَقِفْ الْمُسْلِمْ حَيْثُ وَقَفَ الْقَوْمِ فَهُمْ خَيْرُ النَّاسِ بِشَهَدَةِ سَيِّدِ النَّاسِ صلى الله عليه وسلم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا يعني فما دونهم مقصر وما فوقهم محسر فمن خالف هذا المنهج السلفي واتبع هواه فلا ريب أن قلبه مليء بالغل إذ إن السباب والشتام ينافي النصح للولاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين ومن ظن أن الوقوع في الولاة في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل وقال على الله وعلى شرعه غير الحق بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به أثار سلف الأمة فالواجب على من وقف على هذه النصوص الجلية أن يزجر كل من سمعه يقع في ولاة الأمر حسبة لله ونصحا للعامة وهذا هو فعل أهل العلم والدين يكفون ألسنتهم عن الولاة ويأمرون الناس بالكف وعن الوقوع فيهم لأن العلم الذي حملوه دلهم على ذلك وأرشدهم إليه. Donc il dit le cheikh que le musulman il doit s'arrêter là où les sahaba se sont arrêtés parce que c'était les meilleurs hommes et le meilleur des hommes a témoigné en leur faveur à ce sujet, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils se sont arrêtés en se basant sur la science. Et s'ils ont exécuté quelque chose, c'est avec science. Hein? Et s'ils se sont arrêtés de faire quelque chose, c'est avec science aussi. Et tous ceux qui sont en dessous d'eux, ils sont soit, yani, c'est-à-dire que si t'es en bas d'eux, yani, tu es muqassir, il te manque quelque chose dans ta religion, et si t'es au-dessus d'eux, eh bien, t'es extrémiste, yani, dans ce cas-là. Il dit, celui qui contredit cette méthodologie des salafs qu'on a mentionné et qui suit sa passion, il n'y a pas de doute qu'il y a dans son cœur de la rancune et de la haine. Parce que l'insulte, hein, vient en contradiction avec le fait de donner des bons conseils aux dirigeants. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, qu'il y a trois choses pour lesquelles le cœur du croyant ne va pas avoir de rancune ou de haine. La première chose, c'est le fait d'avoir de la sincérité dans l'action que tu fais pour Allah. La deuxième, c'est de donner le bon conseil à ton dirigeant. Et la troisième, c'est de t'accrocher à la jama'a des musulmans, au groupe des musulmans. Donc, celui qui pense que de parler contre les dirigeants, ou de les insulter, ou de les diminuer, ça fait partie de la religion d'Allah, ou que ça fait partie de condamner le mal, ou que ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal, ou des choses comme ça, eh bien il s'est égaré de ce que Allah a révélé dans sa révélation. La troisième, c'était de s'accrocher au groupe des musulmans, à la jama'a. Donc celui qui pense que de faire ça c'est bien, de parler contre eux c'est bien, et des choses comme ça, il a contredit ce qui a été impliqué par le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il a contredit ce que les prédécesseurs de cette umma ont mentionné. Et il est obligatoire pour celui qui mentionne ou à qui on lui mentionne les textes à ce sujet-là de s'abstenir et de blâmer et d'arrêter toute personne, c'est-à-dire de dire à toute personne qui l'entend insulter les dirigeants, lui dire de s'arrêter et de cesser d'insulter les dirigeants pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour un bon conseil pour les musulmans en général. Et il dit c'est comme ça que les savants et les ulama faisaient. Ils se retenaient eux-mêmes de parler contre les dirigeants et ils ordonnaient aux autres de s'abstenir de parler contre les dirigeants, parce que ils avaient de la science qui leur indiquait que c'était ça qu'il fallait faire et que c'était ça la guidance à suivre. وذكر العلامة ابن جماعة أن من حقوق ولاة الأمر رد القلوب النافرة عنه إليه وجمع محبة الناس عليه لما في ذلك من مصالح الأمة وانتظام أمور الملة والذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية. انتهى كلامه. وهذا وإن كثر أو إن أكثر الناس إنما يقعون في أمرائهم بالسب ويعصونهم بسبب الدنيا إن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن هذه حاله فإن جرمه أشد، إذ قد جمع ألوانا من البلايا وباء بإثم عظيم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل رجل على فضل ماء بالفلاء يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لا أخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. Donc le cheikh il dit que l'allama ibn Jama'a il mentionne à propos des droits des dirigeants que il faut ramener les cœurs qui s'enfuient, les cœurs qui fuient, il faut les ramener vers lui. Et c'est-à-dire s'il y a des gens qui ne l'aiment pas, le dirigeant, il faut faire en sorte que les gens l'aiment. Et ramener l'amour des dirigeants chez les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des biens, il y a du bien dans le fait de faire ça pour la Ummah, et c'est comme ça que les choses s'organisent, les choses de la religion s'organisent. Et il faut les supporter, les défendre par la parole et par l'action, par les biens et par notre personne et même par notre famille, dans ce qui est apparent et dans ce qui est caché, ouvertement et en secret. Donc ça c'est la fin de cet exemple, de cette citation. Puis après il dit: la plupart des gens qui insultent les dirigeants, c'est uniquement pour des causes de la dunya. Si on leur donne de la dunya, ils sont satisfaits. Puis si on leur en donne pas, ils se mettent en colère. Si le dirigeant donne aux gens, ils sont contents. S'il ne leur donne pas, ils se fâchent contre le dirigeant. Et il dit dans ce cas-là, c'est encore plus grave comme péché. Et ça ramène des malheurs et des péchés encore plus grands. Parce que c'est rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a trois types de personnes. Au jour de la résurrection, Allah va pas leur adresser la parole, il ne va pas les regarder, il ne va pas les purifier, et ils auront un dur châtiment. Parmi ces trois catégories-là, il y a un homme qui a un surplus d'eau et qui est dans le désert, et il voit un autre voyageur qui passe et qui ne lui donne pas. Ça, c'est une catégorie de personnes. Un autre, c'est celui qui vend un article ou quelque chose après la prière de Asr et qui a juré à la personne par Allah qu'il l'a acheté à tel et tel prix et la personne l'a cru alors que ce n'est pas vrai. Il dit, je te le vends, je l'ai acheté à telle somme d'argent, hein, je te jure par Allah, je l'ai acheté telle somme, donc je te le vends à telle somme, et l'autre il l'a cru, il l'a acheté alors que ce n'est pas vrai. Donc ça c'est la deuxième catégorie de personnes. Et la troisième catégorie, c'est un homme qui a donné une allégeance à un homme, à un dirigeant, dans la dunya. Il a donné cette allégeance à ce dirigeant juste pour la dunya seulement. S'il en reçoit, c'est-à-dire s'il reçoit quelque chose de ce dirigeant de la dunya, il est honnête et il respecte son engagement. Mais s'il ne reçoit rien en retour de la dunya, eh bien, il ne va pas être honnête dans son engagement et dans son allégeance. Donc ça c'est une des trois personnes que Allah va pas les regarder. Allah va pas leur adresser la. C'est le troisième, c'est celui qui a donné une allégeance à un dirigeant pour la dunya. Allégeance, un serment d'allégeance. Il a donné bay'a à un dirigeant, mais il a fait ça juste pour la dunya. Donc quand il reçoit quelque chose de ce dirigeant, des choses de la dunya, il est content, il respecte son allégeance et son serment, mais si le dirigeant lui donne rien, il ne respecte pas son allégeance. Ouais, mais c'est-à-dire que... Ouais, c'est ça. Mais c'est-à-dire que eux, ils, en fait, leur seul maître, c'est l'argent. C'est pas leur serment, il est juste superficiel, en fait. C'est accessoire. Parce qu'en réalité, c'est pas à cause du fait qu'ils ont donné l'allégeance ou leur serment qu'ils vont être obéissants. C'est juste si on lui donne quelque chose. Exact. Donc ça, c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, en fait. Il dit, وقال شيخ الإسلام رحمه الله فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد وطاعة ولاة الأمور واجبة لأمر الله بطاعتهم فمن أطاع الله ورسوله بطاعة ولاة الأمر فأجره على الله ومن كان لا يطيعه إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فما له في الآخرة من خلق انتهى. شيخ الإسلام ابن تيمية il a dit à ce sujet justement, l'obéissance d'Allah et de son messager c'est obligatoire à chacun, et d'obéir aux dirigeants c'est une obligation à cause de l'ordre d'Allah de leur obéir. Allah il a ordonné de leur obéir. Donc celui qui obéit à Allah et à son messager en obéissant à celui qui est au pouvoir, à celui que Allah subhanahu wa ta'ala a fait qu'il soit notre dirigeant, eh bien il aura la récompense d'Allah pour l'avoir fait. Toutefois celui qui ne leur obéit pas, c'est-à-dire qui n'obéit pas aux dirigeants uniquement, ou celui qui obéit aux dirigeants uniquement pour que ce dirigeant lui donne, ou à cause de ce que le dirigeant lui donne comme argent, hein, et s'il lui donne, il l'obéit, s'il lui donne pas, il lui désobéit, alors dans ce cas-là, dans l'au-delà, il n'aura aucune part. Il n'aura aucune part dans l'au-delà parce qu'il a uniquement obéi lorsqu'on lui donne. Fin de la citation. Et ensuite il termine en disant وقد روى ابن عساكر في تاريخ دمشق والتبريزي في النصيحة أن ابن المبارك رحمه الله قال من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان بالأخوان أو بالإخوان ذهبت مروءته. Ouais, c'est ça. Donc c'est rapporté selon Ibn Asakir dans Tarikh Baghdad et At-Tabrizi dans Al-Nasiha, selon Ibn al-Mubarak. Il dit, celui qui dénigre ou qui donne pas d'importance aux ulama, il perd son au-delà. Celui qui donne pas d'importance aux dirigeants, hein, il dénigre les dirigeants, eh bien, il perd sa dunya. Sa dunya est partie. Et celui qui ne respecte pas les frères, eh bien, il perd ses mœurs, ses bonnes mœurs. Celui qui istakhaffa, c'est-à-dire que tu dénigres, tu ne donnes pas de respect aux ulama. Ouais, il perd son au-delà. Oui. Et celui qui manque de respect envers les dirigeant, il perd sa dunya. Et celui qui manque de respect envers ses frères, eh bien, il perd ses bonnes mœurs. Al-muru'a, les bonnes manières, le bon comportement. Il perd sa dunya. Ouais. Non, pour les ulama, c'est l'au-delà. Pour les dirigeants, c'est la dunya. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.